À l'occasion du premier anniversaire de la promotion du dirigeant suprême Kim Jong-un au poste de président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, Al-Hassan Memmen Mohamed, président du comité national nigérien d'études du kimilsonisme Kim Jong-un, a visité l'ambassade coréenne dans son pays. Il a déposé une gerbe de fleurs avant de s'incliner devant le tableau de peinture représentant le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il qui se trouvent ensemble. À la même occasion, le président du comité national béninois d'études des études jutsu et président de l'amicale béninoise Vive le général Kim Jong-il a fait parvenir un bouquet de fleurs à l'ambassade coréenne.